Jo, ma chérie Jo, c'est le petit matin qui traverse les rideaux et qui éclaire la terre entière. Jo, ma chérie Jo, à ton tour tu sais bien d'apporter le café chaud, le beurre, la confiture et puis le pain. Jo, ma chérie Jo, que le temps passe vite chez nous, toutes ces heures glissent sur ta peau sans pouvoir y laisser la moindre trace. Oh chérie Jo, que le temps passe doux chez nous, oh comme un manteau couvre notre peau, car il fait beau et il fait chaud, chaud, chaud. Chérie Jo, c'est le petit matin qui réveille les oiseaux qui viennent chanter à la fenêtre. Jo, ma chérie Jo, ils attendent, tu sais bien que tu te lèves bientôt pour picorer les miettes dans ta main. Jo, ma chérie Jo, que les gens nous aiment chez nous, toutes les filles refont dans ton dos tes moindres gestes lorsque tu danses. Jo, ma chérie Jo, les enfants seront bien chez nous, ils ont déjà leur nom et leurs jouets, et mes deux bras pour leur berceau. So, so, chérie Jo, c'est le petit matin qui traverse les rideaux, qui réveille les oiseaux et qui donne pour nous aimer un nouveau.